La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour être espion, il y a un prix à payer. Et le prix, c'est souvent soi-même. Voilà ce qu'avait l'habitude de dire à ces jeunes recrues le personnage de Smiley inventé par John le Carré. Et il est vrai que si les espions vivent à la fois avec un certain sentiment de leur supériorité dans la certitude de mener une vie plus intense que celle des autres, ils en paient également le prix par leur isolement et le poison de la duplicité qui infiltre peu à peu leur existence. Voilà pourquoi les romans d'espionnage nous fascinent tant. Voilà pourquoi il donne tant matière à de la très bonne littérature. Alors bien sûr, tous les romans d'espionnage ne vont pas explorer l'âme humaine. James Bond, par exemple, est davantage un être de lumière que d'ombre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle John le Carré méprisait Ian Fleming, le Carré dont nous avons parlé ici lundi et mardi dernier dans des émissions à retrouver en podcast. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour évoquer cet autre écrivain agent secret qui était Graham Greene, nous sommes avec le grand spécialiste français de son œuvre, François Galix, professeur émérite à Paris 4, traducteur de l'écrivain. Il a édité et présenté le volume Graham Greene dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, qui regroupe bon nombre de ses romans comme La puissance et la gloire, Un Américain bien tranquille, Notre agent à la Havane ou encore Le facteur humain. Et pour faire la transition avec John le Carré, je vous propose de l'entendre, d'abord rendre hommage à Greene, dans une archive traduite par Laurane Travaglichanal. Sans le connaître personnellement, je crois que Greene a transformé tout ce qu'il a vécu en art d'un type ou d'un autre. Je pense qu'il est un artiste considérable, qu'il vit avec ce détachement pour sa matière première. Il a utilisé les histoires d'espions, la métaphore de l'espionnage, de bien des manières. Je crois qu'il fait cela de manière instinctive, parce qu'il est un outsider, un homme en décalage, qui a l'impression qu'il regarde le monde sans avoir le sentiment d'en faire véritablement partie. Bonjour François Galix. Bonjour. C'est vrai qu'il y a une filiation entre Graham Greene et John le Carré. Ça commence d'ailleurs par Graham Greene et ensuite vient John le Carré. Ces deux écrivains-là, auteurs de romans d'espionnage, sont beaucoup plus du côté du roman que du côté du roman de genre, comme peut l'être Ian Fleming. Quel lien vous voyez entre les deux ? Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour ce que vous avez dit au sujet de James Bond. Greene n'était pas du tout intéressé par Bond. C'était un anti-James Bond, en fait. Ce qui l'intéressait, c'était le sens de l'existence. Et c'est en cela que ces personnages nous intéressent aussi en tant que lecteurs, parce qu'ils recherchent le sens de l'existence. Voilà. Alors, quant au prix à payer, effectivement, ça, il en était bien conscient. Et lui-même avait été introduit dans l'espionnage assez jeune par un membre de sa famille, finalement. Par sa sœur. Et qui lui avait expliqué ce qu'il fallait faire pour être un espion. Et à plusieurs reprises, il s'amusait de tout ça en disant que l'espionnage, c'était finalement la meilleure façon de visiter le monde entier. Et c'est ce qu'il avait fait sans dépenser un penny, en fait. C'était la meilleure agence de voyage d'Angleterre. Exactement, c'est ça. Ça, il l'a dit à plusieurs reprises. Bon, en ce qui concerne les choses nouvelles, en creusant depuis cette date au programme de l'agrégation, il y en a plusieurs. Par exemple, son épouse, l'épouse de Greene, avec qui il n'a jamais divorcé pour rester en conformité avec son catholicisme, lui signalait parfois, et ça c'est amusant je trouve, ce qu'elle appelait ses léopards. Et alors qu'est-ce que c'était que ces léopards ? C'était des clichés qu'il fallait éviter à tout prix, car il la faisait bondir en lisant comment léopard tapis sur une branche prête à rebondir sur son lecteur. Donc il avait gardé ça, c'était pour le corriger en fait, pour lui rendre service dans ce qu'il écrivait. Alors on va développer un certain nombre de choses, on reparlera un peu plus tard de Graham Greene espion, mais il faudrait d'abord replacer un certain nombre de faits. D'abord, le fait qu'il ait écrit beaucoup, Graham Greene, 26 romans en 60 ans d'écriture, entre 1926 et 1990, et puis ça a été un romancier qui a eu un très très grand succès, François Galix. Bien sûr, oui, tout à fait, et il y a même plus enfin, ces textes sont plus nombreux, parce que ils étaient constamment réédités, et au moment des rééditions, Greene changeait, rajoutait, transformait ou enlevait même. Il retravaillait énormément ses textes. Voilà, donc quand on travaille aussi sur ces textes, on est amené à les comparer. Comparer les différentes versions. Alors la traduction aussi, 40 langues tout de même, et puis 20 millions d'exemplaires vendus, c'est totalement gigantesque. Oui, bien sûr. Alors il était très très fier d'être traduit dans autant de langues, y compris en Russie soviétique, bien sûr. Ça, c'est ce qui lui faisait énormément plaisir. Il était très apprécié en Russie. Oui. C'est-à-dire que il était à la fois censuré et apprécié parce que ça courait sous le manteau en fait. Mais il était apprécié et lui-même était enchanté. En tous les cas, c'est un écrivain dont on pourrait dire qu'il a eu la rage d'écrire, parce que non seulement il y a ses 26 romans, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des récits de voyage, des récits de reportage, enfin des reportages, des autobiographies, une biographie historique, des pièces de théâtre, et je ne parle même pas des essais, des articles, des pamphlets. Il y a même eu des livres pour enfants sous la plume de Graham Greene. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est très intéressant. Alors tout ça se passe souvent avec l'intermédiaire de une de ses très nombreuses maîtresses, puisque Greene avait une vie sexuelle absolument exacerbée. Et ça fait partie de la légende des espions, ça, non ? Oui, aussi. Mais là, c'était fondé, et heureusement. Un très grand nombre des maîtresses qu'il a eues, finalement, lui étaient très utiles. Parce que, alors c'est le cas des romans pour enfants, par exemple. C'est grâce à une de ses maîtresses qu'il a eu cette idée d'écrire ces magnifiques petits livres qui au départ coûtaient extrêmement cher, enfin, coûtent toujours très cher chez les éditeurs. Et on peut toujours les lire et ils valent la peine d'être lus. En tout cas, c'est une pratique d'écriture qu'on peut qualifier de graphomaniaque. Et là, ça nous permet d'approcher doucement la personnalité de Graham Greene. Je crois que Robert Laffont, son éditeur, parlait de lui comme d'un homme inoubliable. Mais inoubliable en quoi ? Quel portrait on pourrait faire de cet homme, François Galix ? Les rapports avec Robert Laffont sont effectivement très intéressant, pas seulement avec Robert Laffont, mais lui en particulier, parce que Robert Laffont trouvait un certain parallélisme avec sa propre vie. Et les rapports étaient vraiment très très bons. C'était un espion, Robert Laffont ? Robert Laffont. Oui, c'était un espion aussi ? Non. Non, non, non. Alors quel parallélisme voyait-il ? C'était au niveau de leur croyance un petit peu dans un futur au-delà de la mort. Mmh. I think it's half and half, as it were. I mean, one, it's a way of escape. Je pense que l'écriture est un échappatoire, mais cette volonté de s'échapper à quelque chose de désespéré. L'écriture me permet de réduire le chaos, de l'ordonner, ce qui, en un sens, revient encore à chercher une échappatoire. Elle me permet également de me soustraire à l'ennui. Elle m'aide à traverser la vie, en quelque sorte. Et je crois que, pour traverser la vie, une personne a besoin de certaines drogues, l'alcool étant l'une d'entre elles, et l'écriture une autre. La voix de Graham Greene dans une traduction par Laurane Travaglie-Chanal. Alors vous dites, François Galix, que son ennemi le plus redouté, ça a été l'ennui. Oui. Oui, tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que j'ai entendu là, effectivement, Greene se demandait souvent comment il était possible de vivre sans écrire. Que c'était vraiment un médicament, l'écriture indispensable. Qu'il fallait pour affronter la mort. C'était cette idée aussi qu'il avait constamment. Comment pouvait-on vivre sans écrire ? Donc c'était un point... Et sans boire aussi, peut-être ? Oui, comme il disait, et boire aussi. Ça entrait en ligne de compte. Du coup, il y avait des personnages d'alcooliques bien sûr. Mémorables, alors, oui, dans son œuvre. Oui, tout à fait. Et qu'il ne condamnait jamais. Évidemment. Comme par exemple ce beau personnage du Whisky Priest, oui, voilà. Le prêtre whisky, voilà. Dans La puissance et la gloire. Oui, tout à fait. Alors là c'était... il ne le condamnait pas, au contraire. Il disait qu'il allait être sauvé avant les autres. Mm-hmm. C'est ce qui est très, très catholique aussi. C'est les premiers seront les derniers. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, on va parcourir un petit peu la biographie de Graham Greene avec vous, même si on a déjà commencé de le faire. Mais d'abord, il faut préciser quelque chose. C'est que des biographies de Graham Greene, il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Et alors, elles sont pas toutes officielles. Bon, il y en a une qui est officielle, c'est celle de Norman Sherry. Oui. C'est la meilleure biographie pour vous ? Non. Non, en fait, elles ont toutes des défauts, mais elles sont utiles. Mais elles ont toutes des défauts et les rapports de Greene avec ses biographes ont été extrêmement pénibles. Parce qu'il ne souhaitait pas qu'on raconte sa vie, peut-être aussi. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, il s'est confié, par exemple, à Norman Sherry, qui a suivi tout le périple de Greene au péril de sa vie. D'ailleurs, il a failli y laisser la peau. Oui. C'est là qu'on comprend que la vie de Greene a aussi été dangereuse. Ah oui, bien sûr. Mais les rapports avec tous les biographes, pas seulement Sherry, mais tous les autres qui ont suivi, ont été très, très mauvais. Et il y a même un moment où Greene a interdit certains biographes de poursuivre ce qu'ils avaient en tête. Il faut dire que Michael Sheldon, par exemple, oui, qui a écrit une de ses biographies en 1994, semblait ne pas apprécier lui-même tellement Graham Greene. Oh, pas du tout. Il en parlait comme d'un menteur pathologique, d'un sadique, d'un alcoolique. Bon, il aurait été, pense Michael Sheldon, complice du mystérieux crime de la femme découpée en morceaux retrouvée dans une malle à Brighton. Tout à fait. C'est complètement de la fabulation quand même. Qu'est-ce qui se passait finalement dans la tête de Sheldon pour qu'il aille jusque-là. Oui, oui, non, non, c'est ridicule. Mm. C'est absolument ridicule. Mais Sheldon aimait bien provoquer des scandales. Et il y en a eu plusieurs dans des librairies où il présentait ses ouvrages. Il était absolument abominable. Ouais. Bon, alors, si on veut lire une biographie qui est une autobiographie, on peut se référer du coup au livre Une sorte de vie de Graham Greene, parce qu'il s'est raconté lui-même. Oui, oui, ça c'est formidable, effectivement. Et puis aussi, justement, le récit de Marie-Françoise Alain, et qui... Donc, qui a bien connu Graham Greene et qui a étudié aussi son œuvre. Voilà, et qui a étudié tous les petits carnets que Cloetta avait écrits en écoutant ce que Greene avait dit. Et ces carnets ont été publiés. Ils sont très intéressants. Ça, c'est une base vraiment solide. Alors, si on revient quand même sur ce qui est avéré, hein, on va se baser sur soit son autobiographie, soit sa biographie officielle. On sait donc qu'il est né le 2 octobre 1904 à Berkhamsted. C'est une ville qui est à 50 km de Londres. Son père était directeur de l'école dans laquelle Graham Greene a lui-même fait sa scolarité. C'était une famille de 6 enfants dont il était le 4e. Et lui, c'est un enfant un peu difficile, François Galix. Oui, il était difficile et il a eu de graves ennuis de santé en étant très jeune. Et c'est à ce moment-là que, justement, sa famille a décidé de le faire soigner d'une façon qui à l'époque était originale, c'est-à-dire que au lieu de lui faire passer des électrochocs, ce qui était commun à l'époque, il y a échappé. Alors écoutons justement une archive à ce sujet. Vous êtes l'une des premières personnes à avoir suivi une psychanalyse. Disons pas vraiment le premier, mais dans les premiers. J'ai fait cette psychanalyse dans les années 20. J'étais peut-être parmi les premiers dans ce pays. J'avais atteint une crise émotionnelle et je ne supportais plus l'étrange vie divisée que je subissais à l'école, et donc j'ai fui. Et j'ai eu ma victoire. J'ai quitté l'école pendant environ 7 mois pour aller à Londres, vivre chez mon psychanalyste, et c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. You're having tea with Graham Greene in a colored costume of your choice. And you'll be thought in high esteem if you're seen in between. Alors vous dites, François Galix, qu'on ne dira jamais assez l'importance qu'a pu avoir pour Greene le fait d'avoir consulté, à l'âge de 14 ans, un vrai psychanalyste qui voilà. Le prenait vraiment en compte comme un patient et pas simplement en lui administrant des électrochocs. Tout à fait. Et ce qui est assez amusant, c'est que ce psychanalyste lui avait conseillé, finalement, à juste titre, de se contenter tous les matins de noter mot pour mot tous les rêves qu'il avait eus. Mmh. C'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Il paraît qu'il y consacrait presque une heure par jour. Voilà. Et il le faisait, il l'a fait pendant toute sa vie. Et ce qui est un passage amusant, c'est qu'à un moment, donc il fallait qu'il, au matin, il les répète à ce psychanalyste. Il le faisait et à un moment, il n'a pas pu éviter de dire au psychanalyste qu'il avait fait un rêve très sexuel, très amoureux, au sujet de la femme du psychanalyste. Et il lui a raconté, Et évidemment, c'était quand même assez amusant. On peut tout dire à un psychanalyste, de toute façon. Oui. Alors, ces rêves, évidemment, il les a transférés, si l'on peut employer ce terme justement psychanalytique, dans ses romans, François Galix. Il y a beaucoup d'ailleurs de rêveurs, de gens qui font des rêves dans ces romans. Oui, bien sûr. Bien sûr, et il les exploitait souvent. Et souvent, il justifiait ses romans en expliquant que finalement ce roman c'était un rêve qu'il avait retranscrit au matin. C'était l'origine du texte. Si on cherchait, il fallait pas aller trop loin. Alors je vous propose d'écouter, parce qu'on l'a pas fait encore, un petit peu de la prose de Graham Greene, avec un extrait d'un de ses livres, Le Capitaine et l'Ennemi, lu ici par Stanislas Nordet. Je suis aujourd'hui dans ma 22e année. Et pourtant, le seul anniversaire dont je garde un souvenir distinct est celui de mes 12 ans. Car ce fut en ce jour humide et brumeux de septembre que je vis le capitaine pour la première fois. Je sens encore le gravier mouillé sous mes chaussures de gym, dans la cour de l'école. Et je me rappelle combien les feuilles mortes balayées par le vent sous le préau jouxtant la chapelle rendaient le sol glissant. Tandis qu'entre deux classes, je courais comme un fou pour échapper à mes ennemis. Je dérapais, puis soudain m'arrêtais net. Mes poursuivants, au même instant, s'éloignèrent en sifflotant, car au beau milieu de la cour se tenait notre redoutable directeur. Il s'entretenait avec un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau melon, spectacle déjà rare à l'époque, et qui lui donnait un peu l'allure d'un acteur costumé. Il y avait du reste un peu de cela, car je ne le revis jamais porter un tel chapeau. L'homme tenait une canne sur son épaule, à la manière d'un fusil. Je n'avais pas la moindre idée de son identité, et j'ignorais naturellement que la nuit précédente, il m'avait gagné, ou du moins le prétendit-il par la suite, lors d'une partie de backgammon avec mon père. Frappe François Galix à l'écoute de cet extrait? Ben, ce qui me frappe, c'est d'abord le fait que Greene avait abandonné ce roman à un certain moment. Il disait qu'il l'avait laissé dans son bureau, et puis ça lui était revenu. Il a dit, mais finalement c'est très bien. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant et très très curieux, et ça ressemble aussi là aussi à un rêve, en fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de grignien dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple dans l'espèce d'inquiétante étrangeté de ce personnage dont on entend le portrait ici? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr que vraiment il y ait l'inquiétante étrangeté là, enfin, à ce moment-là. Peut-être dans d'autres romans, mais dans Le Capitaine et l'Ennemi, non. Je n'ai pas l'impression. En tous les cas, il y a vraiment une patte qui est celle de Graham Greene, et on a même forgé un mot pour désigner cette atmosphère dans laquelle Graham Greene plonge ses personnages. On appelle ça le Greenland. Qu'est-ce que c'est que le Greenland? Alors ça, Greene, ça le rendait complètement furieux. Ah oui, pourquoi? Ah, parce qu'il disait, c'est faux. Greenland, ça n'existe pas. Ce sont les éditeurs qui ont fabriqué ce mot. Et tout ce que j'écris vient de moi, mais ça n'a rien à voir mais avec c'est quoi, un monde inventé. Ce Greenland dont les éditeurs auraient forgé le concept, qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Ah, bah c'était tentant quand même. C'était un jeu de mots qui pouvait pas leur échapper. Et qui désigne une atmosphère avec un certain nombre de caractéristiques précises, un lieu, des lieux repoussants, des lieux étrangers, des décors crasseux. Il y a quand même ça chez Graham Greene. Alors, ça s'appelle peut-être pas le Greenland dans de Graham Greene, mais qu'est-ce que c'est que cet univers, finalement, qui se retrouve d'un roman à un autre? Je crois que l'adjectif qui convient bien, c'est glauque. On dit ça maintenant beaucoup. À l'époque, on ne le disait pas tellement. Mais et c'est aussi l'atmosphère où tout sent mauvais. Il y a de mauvaises odeurs. Donc, il faut absolument s'en méfier. Ça correspond aussi à quelque chose d'étrange chez Green, c'est-à-dire la crainte du dentiste. Il avait une peur bleue du dentiste. Bon, ça sent pas mauvais chez le dentiste. Non, mais il avait une peur bleue à chaque fois qu'il était convoqué chez le dentiste. En fait, il y avait deux choses. Il y avait ça, et d'autre part, il était content parce que ça lui permettait d'être drogué. On lui faisait des piqûres qu'il l'envoyait un peu. Ouais. Alors, vous avez utilisé le terme de glauque. Je ne sais pas si c'est un équivalent pour l'anglais seediness. Oui. Mais c'est un mot qu'il emploie, lui, en tout cas, assez souvent. Ça veut dire sordide, quoi. Il y a un côté misérabiliste, finalement, qui exsude dans ce terme-là. Et ça nous fait penser, quand on sait l'intérêt qu'il avait pour un écrivain comme Conrad, à Au cœur des ténèbres, François Galix, ce roman de Conrad, où on voit un bon anglais quitter l'Europe dans tout ce qu'elle a de moderne, de progressiste, entre guillemets, pour aller comme ça au-devant des dangers et du dénuement au milieu de l'Afrique noire profonde. Quelle filiation on pourrait faire entre ces deux univers? Ben, il comparait sa lecture de Conrad justement à le fait d'être psychanalysé. Et il disait ça coûte beaucoup moins cher de lire Conrad que d'aller chez un psychanalyste, et le résultat est le même. C'est un bon conseil à donner à nos auditeurs, alors. Ben oui, bien sûr. Et alors, au sujet de Conrad, ce qu'il a dit très souvent, c'est qu'il était tellement influencé par Conrad qu'il avait décidé d'arrêter définitivement, de ne plus jamais lire de Conrad, parce que il risquait de se transformer en Conrad de deuxième catégorie. Oui. Et ça l'embêtait. Et en fait, il n'a pas tenu parole. Puisque il y a un moment où il admet qu'il avait relu Le Nègre du Narcisse et qu'il avait été enthousiasmé, et que maintenant, bah, dans le fond, il avait passé sa cutie et qu'il pouvait le relire. Il avait le droit. Il y a des thèmes quand même communs aux deux écrivains. Par exemple, le thème de la trahison. Il y a ça tout le temps chez Graham Greene, et on le retrouve aussi, enfin je ne sais pas dans quel sens il faut le dire d'ailleurs, chez Conrad. Oui. Ah bah bien sûr. Ça, la trahison, c'est quelque chose aussi qui l'a affecté psychologiquement lui, puisqu'il était persuadé d'avoir trahi ses deux de ses amis parce que il avait il s'était fait écho de ce que son père avait dit. Dans son école. Mm-hmm. Et donc, il était angoissé. Il était traumatisé par cette question, ai-je ou non trahi un de mes amis, c'est ça? Voilà, et effectivement, ils avaient trahi. Et il raconte à un moment aussi qu'il il s'était trouvé en présence de l'un de ses amis, justement, qu'il avait pensé avoir trahi, et que son ami s'était mis à rire en disant que finalement c'était pas grave. Donc il y a un côté facilement culpabilisé chez Graham Greene, c'est peut-être lié aussi sa pratique de la religion catholique. On va en parler après la chronique de Michel Crépu. Mais j'aurais terminé un petit peu sur Conrad, et aussi sur les parallèles qu'on peut faire au niveau de la biographie des deux écrivains, parce que Graham Greene va partir partir au Mexique en 1938, et c'est un voyage qui est un voyage terrible, presque aussi terrible que le voyage de Conrad au Congo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, oui, ah ben le parallèle fonctionne parfaitement. Oui, c'est le voyage d'au cœur des ténèbres. Aucun doute, oui, oui, c'est ça. C'est ça, ça c'est absolument évident. Et Green en a parlé à plusieurs reprises, et on peut en trouver l'origine justement dans cette peur qu'il avait eue de trahir parce que son père était, un peu le proviseur de l'époque. Le proviseur de son école, en effet. Voilà, et que ça l'aurait conduit à être... de son côté, trop. Bon, François Galix, on va reprendre cette conversation juste après la chronique de Michel Crépu. Voici En compagnie des revues, dans la compagnie des auteurs. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie donc des revues avec vous, Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. Je suis sûr que vous êtes lecteur de John Le Carré, mais aussi des romans d'espionnage et aussi de Graham Greene. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Je suis resté en état d'hypnose avec lui. En état d'hypnose? Oui, à cause des titres. Le fond du problème, le ministère de la peur. Le ministère de la peur. Oui. Comment voulez-vous ne pas entrer en hypnose? Et j'étais très intéressé là, par ce que vous disiez à l'instant sur le Greenland. Et je suis tenté de vous dire, parce que j'aime bien jouer à ce jeu des définitions, qu'est-ce que ça signifie, ce Greenland. Et j'ai l'impression, mais toujours grâce à l'hypnose d'ailleurs, c'est le temps, c'est l'odeur du temps. C'est la couleur du temps où les choses se passent. Enfin, il y a une sorte de chez Graham Greene, il y a une présence du temps, une pesanteur du temps qui est, je crois, le propre du Greenland. C'est ça qui y a au fond de ses livres. Mais on a dit que le Greenland problème, c'était une invention d'éditeur. Alors évidemment, vous êtes éditeur, vous trouvez ça très bien. Je le savais pas. Enfin, ça le rendait furieux, mais je pense sans doute parce que c'était vrai. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, qu'y a-t-il à la NRF que vous nous préparez? C'est le numéro de janvier dont vous voulez nous parler. Alors, aujourd'hui. En janvier, on va avoir un ensemble autour du journal intime, ce qui, par les temps qui courent, une question qui peut paraître assez anodine et de peu d'urgence, mais justement, les choses de peu d'urgence parfois transmettent autre chose. Ouais. Et avec le journal intime, il me semble que c'est un peu le cas, qui est devenu avec les années, avec le temps, un lieu d'expérience littéraire en soi. Ce n'est pas un à côté, ni un dérivatif parallèle à l'œuvre qui est en train de se faire dans la pièce à côté, mais c'est peut-être l'œuvre elle-même qui Donc qui, c'est le journal intime comme un nouveau mode d'expression littéraire? Oui, volontiers. J'accepterai volontiers cette définition. Et à quels écrivains avez-vous fait appel alors? Alors, Dominique Noguez, puis je vous laisse la surprise parce que sinon c'est pas drôle. Alors on peut d'ores et déjà en revanche aller sur votre blog, nrf.fr, cher Michel, et là vous y parlez des gilets jaunes, hein. Vous n'êtes pas totalement en dehors de l'actualité. Non, pas du tout. J'ai fait un lapsus d'ailleurs dans le premier blog où je parlais de ce problème, de cet événement énorme, considérable, qui n'a pas fini de retentir. J'ai parlé des chemises jaunes, oui. Alors que évidemment la chemise jaune renvoie à quelque chose de pas très agréable, et j'aurais dû dire gilet. Oui, mais gilet jaune fluo d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même fluo, personne ne le dit, mais oui, ils sont pas simplement jaunes. Chemise, donc tout ça reste à décrypter, mais ce qui m'intrigue beaucoup dans cet événement, c'est à la fois la solitude du président de la République. Mais ça, c'est pas la première fois que je le constate. Une solitude d'enfant. Et je pense à cette pièce de Monterland qui dit, la pièce de Monterland, la ville dont le prince est un enfant. Mmh. Et ça s'applique assez bien, je trouve, à à Macron. Et la Pourquoi solitude. Un enfant? Qu'est-ce qu'il a d'enfantin? Parce qu'il a quelque chose de juvénile, il a quelque chose d'enfantin. Quand on l'a vu faire sa déclaration à la télévision, qui était, pour ma part, je pense, sincère, ce qui ne veut pas dire que les problèmes disparaissent comme par magie, pas du tout, évidemment pas du tout. Mais on avait la sensation de l'enfant grave. Mm-hmm. Et ça m'intéresse. Bon. Merci, Michel. Merci à vous, ça nous donne très envie d'attendre le numéro de janvier de la NRF, mais on peut aussi se rabattre sur le numéro de décembre, qui est toujours disponible. À très bientôt. Nous parlons des écrivains espions cette semaine dans la compagnie des auteurs. Après John le Carré, lundi et mardi, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Graham Greene. Nous sommes avec François Galix, professeur émérite à l'université Paris 4. Tandis que voilà, en archive, Anthony Burgess qui arrive, c'est l'auteur, on le sait, d'Orange Mécanique. Il parle ici de la foi de Graham Greene. I get the impression sometimes from Green that he was converted to Catholicism not out of a desire. J'ai parfois eu l'impression que Green s'est converti au catholicisme, non pas par désir de se rapprocher de Dieu, mais plutôt parce qu'il nourrissait un certain intérêt pour le mal. C'est comme s'il avait eu besoin d'une forme de justification théologique pour aborder la question du mal, ce qu'il fait dans nombre de ses ouvrages. Je crois que l'ouvrage clé de Green dans ce domaine est Le fond du problème. Ce livre a d'ailleurs été banni par l'Église, bien que le pape Paul VI l'ait apprécié, et Green lui a répondu qu'il n'aurait pas dû le lire. Il y a dans le roman Le fond du problème ce paradoxe très greenien d'un officier de police qui aime tellement Dieu qu'il veut s'en éloigner en se damnant lui-même. Il n'est pas capable de se donner à Dieu dans son état de corruption et de péché, et il cherche à se condamner, à se jeter dans l'abysse sans même accepter la grâce de Dieu. Une traduction toujours de Laurent Travagli, Chanal. Que pensez-vous, François Galix, de l'analyse de la foi de Green par Anthony Burgess? Bah déjà, les rapports entre Green et Burgess ont été extrêmement étranges et ont évolué, puisque ça s'est mal terminé, en fait. Puisque à un moment, Burgess avait accusé Green de l'utiliser pour... obtenir de l'opium. Enfin, c'était très mauvais le rapport entre les deux. Maintenant, la fascination pour le mal, c'est évidemment, c'est bien vu ça. Ça, c'est très bien vu. C'est lié à la foi pour vous, cette fascination pour le mal? Enfin, vous êtes d'accord avec Burgess pour dire cela? Bah oui, oui, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a ce besoin, mais aussi ce besoin pour un catholique de comment dire après la confession d'effacer cette option vers le mal. Mmh. Alors c'est quand même un catholique un peu spécial, Graham Greene. Il s'est qualifié lui-même d'agnostique. Oui. Alors il est à la fois très catholique et en même temps il se dit agnostique. Et puis il n'aimait pas cette expression d'écrivain catholique que la critique employait à son endroit. Et pourtant, dans ses romans, il y a beaucoup de prêtres, il y a l'idée de la rédemption, il y a la question du bien, du mal. Alors qu'en est-il en réalité? Est-ce qu'on peut lui mettre vraiment, comme l'a fait Mauriac, l'étiquette d'écrivain catholique? C'est-à-dire que effectivement, il a aussi beaucoup profité des critiques de Mauriac C'était toujours dans le, sur le quatrième de couverture de ses romans. Qui avait aussi préfacé La puissance et la gloire, hein, oui. Ses romans les plus célèbres. Oui, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et qui en a parlé quand il a été reçu oui. Alors, pour ça, le Nobel. Ça, c'était très rare, ça. Un discours au Nobel qui vante quelqu'un d'autre en disant, mais dans le fond, c'est pas à moi qu'il fallait le donner, mais c'était à Graham Greene. Mm. Ça, évidemment, il a beaucoup apprécié. Mm. En tout cas, c'est un romancier qui était l'un des romanciers préférés du pape, oui. Paul VI. Et puis, beaucoup de gens ont donné leur avis sur la nature de ce catholicisme, parce que c'est vrai que ça a quand même un petit peu intrigué. On a entendu Burgess, Coetzee aussi a parlé de ça, François Gallix. C'est-à-dire que ces rapports avec le pape sont assez curieux parce que, ça dépend quel pape aussi, parce que il a. C'est Paul VI qui l'aimait beaucoup. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, son catholicisme était très curieux. Il est même allé plus loin puisque à un moment. Il disait qu'il n'arrivait plus à croire au fait qu'il ne croyait pas. Mm-hmm. C'est très tordu, mm-hmm. Mais c'est très, très, très catholique. Ah. Bon teint. Bon, alors ça, je vous laisse teneur de ces propos-là. Oui. Une dernière citation quand même, celle d'Orwell qui disait « Il y a très peu de romanciers catholiques qui soient bons et la plupart sont de mauvais ». Catholique, oui. C'est un peu ce qui se passe pour Graham Greene, qui était plutôt un mauvais catholique quand même, et sans doute un bon romancier. Oui, tout à fait. Ça, le jeu de mots d'Orwell est parfait. Mm. Ça fonctionne très bien. Alors dans le catholicisme, il y a aussi évidemment, disons la pompe et le décor du catholicisme qui intéressaient beaucoup. Enfin la pompe ou au contraire son absence, parce que Graham Greene a assisté au Mexique à des messes qui étaient des messes secrètes. Voilà. Et je crois que c'est là, vous allez nous le dire, François Gallix, en voyant ses fidèles, démunis de tout, se rassembler secrètement pour prier Dieu, que lui a été profondément touché et qu'il s'est lancé, si l'on peut dire, dans la foi catholique. Oui, ça a été une des raisons, effectivement, il a été très influencé par ces réunions secrètes de à Las Casas. Oui, c'est ça. Mm. Ça l'a beaucoup influencé. De même, quand il disait je ne n'arrive plus à croire que je ne crois pas, c'était aussi extrêmement étrange ça. Il y avait quelque chose de très cinématographique dans cette scène qu'on décrivait à l'instant à Las Casas. Et c'est vrai que le cinéma, l'image, le travelling, ce sont des techniques. C'est un référentiel qu'on retrouve beaucoup, me semble-t-il, dans les romans de Graham Greene. C'était quoi l'importance pour lui du cinéma ? C'était effectivement très important, si ce n'est que systématiquement, il disait qu'il n'aimait pas. Alors les films qui avaient été faits à partir de son œuvre, pas du tout. Il était tout à fait contre. On peut les rappeler. Hein, il y a eu The Fugitive, qui a été une adaptation par John Ford de La puissance et la gloire, voilà. Qui date de 1947. Il y en a d'autres, François Gallix. Il y en a d'autres, mais The Fugitive, justement, c'est celui, à mon avis, qu'il aurait dû apprécier. Mais il l'appréciait. C'est quand même Ford. Il l'appréciait pas non plus. Mm. Non, c'était un peu systématique. Alors lui-même a fait une apparition dans un film, La Nuit Américaine. Oui, La Nuit Américaine. Ah, ça c'est très curieux aussi, c'est une histoire très curieuse, parce que finalement ça se passait à Nice, hein. C'était à Nice, et au moment où ça a été filmé, personne ne savait que c'était Graham Greene qui tenait ce petit rôle, mais qui était très important dans le récit, parce que ça obligeait le metteur en scène à tout recomposer. C'est le côté incognito de Graham Greene, ça. On the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Alors dans cette semaine sur la littérature d'espionnage dans la compagnie des auteurs et aujourd'hui sur Graham Greene en particulier, il faut évidemment qu'on parle de son passage, mais c'est plus qu'un passage hein, dans les services secrets. Vous avez dit tout à l'heure, François Galix, que c'était sa sœur qu'il avait enrôlée. C'est quand même pas très fréquent, ça, je pense. Non. Et alors, il a dirigé, je crois, en 41, les services secrets britanniques en Sierra Leone. C'est son plus haut fait d'armes. Voilà. Je ne sais pas, mais enfin, on en parlait souvent, et je pense personnellement que c'était très important, ce passage en Sierra Leone. Et alors, il y est revenu souvent, il en a souvent parlé. Donc on peut penser que oui. C'était important. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il a fait exactement? Alors évidemment, c'est un agent secret, donc on ne sait sans doute pas grand-chose. Mais vous qui connaissez très bien à la fois sa vie et son œuvre. C'est-à-dire que le projet était très risqué parce que il avait comme idée de créer un bordel en Sierra Leone, en disant c'est dans les bordels que les espions ou les espionnes se confient le mieux. Donc il suffit de faire ça. D'accord, et c'est pas un moyen très direct quand même. Non. Et puis il a dû y renoncer, évidemment. Il a renoncé. Donc il a travaillé au MI6 quand même jusque dans les années 80. C'est beaucoup aussi en tant que porteur de valises qu'il s'est fait connaître, si l'on peut dire, parce qu'il a toujours été proche des communistes et il était, je ne sais pas si on peut dire, un ami de Fidel Castro, oui. Mais en tout cas assez proche d'un certain nombre de hauts responsables comme ça. Il était proche aussi... Au Chimil. Voilà. Donc, ça a été ça beaucoup, François Galix, finalement, son travail, ce fait de passer des messages, par exemple, d'établir des ponts, des contacts, des liens. Oui. Comme vous dites, porteur de valises, ça va très bien, effectivement. Et aussi, je rapprocherais ça de ce qu'il a dit très souvent, c'est-à-dire l'éloge de la déloyauté. Ah oui. Ça, c'est aussi un principe. Alors, qu'est-ce essentiel. Que ça veut dire, l'éloge de la déloyauté? Eh bien, il explique ça. Il disait que, finalement, l'écrivain devait toujours être prêt à changer de camp. Parce qu'il devait défendre les victimes. Et que les victimes changeaient constamment, n'étaient jamais les mêmes. Et que le loyalisme, c'était quelque chose qui vous cantonnait aux opinions admises, et qui, alors que la déloyauté incitait l'écrivain ou l'espion à parcourir tout esprit humain, à enrichir la perception d'un romancier d'une dimension supplémentaire. Est-ce que c'est pas un peu un éloge de la trahison, là, quand même? Oui. C'est-à-dire, c'est aussi quand même le fait de s'incarner dans le coupable aussi. Le coupable était quelqu'un qui était aussi intéressant que l'innocent. Mm-hmm. Donc c'est une notion... Oui, alors des coupables, il en a connu et fréquenté pas mal. Il y en a un qui était assez coupable, c'était Philby, Kim Philby, voilà. Traître à l'Angleterre. Pouvez-vous nous redire qui il était, François Gallic? Kim Philby, c'était l'un des quatre de Cambridge qui... Quatre amis dont il faisait partie, d'un groupe dont il faisait partie. Oui, c'est ça. Et finalement, il lui est resté fidèle. Ça aussi, ça lui a été très souvent reproché. Dans un discours même qui était enregistré, il avait été invité et il en rajoutait en disant... mon grand ami Kim Philby. C'était de la provocation. Et alors, on entendait les gens qui écoutaient, qui étaient quand même étonnés. Oui, parce qu'il faut dire que quand même Kim Philby était un agent anglais, et toute sa vie, il a trahi en faveur de la Russie soviétique. Et ça a été quand même un grand scandale en Angleterre, quand ça a été su, lui-même a terminé sa vie à Moscou, je crois. Oui, et alors... Parce qu'il y a eu des morts aussi impliquées. Il y a eu des morts, c'est ça. Et Green le savait, finalement. Et il y a aussi un passage très important pendant la guerre froide, où Green a voulu se faire photographier du côté soviétique, en disant... voilà, si j'avais à choisir un côté, c'est celui-là que je choisirais, c'est le côté soviétique. Donc, il n'y avait pas de main morte. Oui, finalement, c'est en France qu'il a terminé sa vie, à Antibes, plus exactement. À Antibes. Combien de temps est-il resté à Antibes? Il est resté très longtemps. C'est toujours là aussi une histoire de maîtresse. Donc c'était Anne Cloëta qui a été sa dernière compagne et qui a trompé son mari pendant toute sa vie. Et donc quand le livre d'Anne Cloëta et de Marie-Françoise Alain est sorti, ils avaient demandé qu'on attende que son mari soit mort. Mmh. Et je crois que c'est ce qui a été fait, en fait. Et c'est pour ça qu'il est allé vivre à Antibes, dans le sud de la France, pour la retrouver, j'imagine. Oui, oui. Et ce qui étonnait aussi tout le monde, c'est qu'il avait quand même énormément d'argent. Il était très riche. Et à Antibes, moi j'ai vu le petit appartement qu'il avait, c'était ridiculement petit. Comme une chambre d'étudiant, en fait. Oui, il y avait quelque chose de secret chez Graham Greene, y compris vraisemblablement de ce côté-là. Alors, vous allez publier, pas que vous, mais vous plus d'autres, des traductions des nouvelles de Graham Greene chez Robert Laffont en 2019. Oui. Elles sont moins connues, peut-être, ces nouvelles. C'est vrai que sa production est absolument immense, et puis ça n'a pas été simple, je pense, de les rassembler. Qu'est-ce que vous nous promettez, alors, comme nouveau texte à venir? C'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Non. Pourtant, c'est annoncé un peu à droite à gauche, c'est peut-être pas encore décidé. Work in progress. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour terminer, des grands thèmes de Graham Greene? Je crois que ce qui est le plus récurrent, et c'est peut-être un thème sous-jacent aussi de cet écrivain, c'est le retour de ses personnages dans un lieu qui est sa ville natale. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose qui le relie à l'enfance? Ah oui, certainement. Et d'ailleurs, à Berkhamsted, tous les ans, il y a un festival, c'est en octobre, j'y vais toujours, qui réunit tous les fans de Graham Greene à Berkhamsted. C'est à quelle époque de l'année? Ça marche très bien. C'est en octobre. Voilà, en octobre, on pourra donc vous y retrouver. Merci beaucoup, François Gallic. En attendant donc la parution à une date indéterminée, on vient de l'apprendre, des nouvelles complètes de Green, chez Robert Laffont, on peut signaler la réédition en 2016 de votre livre à vous, François Galix, intitulé « Le roman britannique du XXe siècle, modernisme et postmodernisme ». C'est aux éditions Phoenix. Cette émission vous avait été proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Millet, Stéphanie Vélin et Jean-Frédéric. Demain, un dernier épisode consacré à la littérature d'espionnage dans la compagnie des auteurs. Nous reviendrons aux sources du genre avec François Rivière qui nous parlera de la guerre de 14, qui est une des sources justement de ce roman d'espionnage. Et puis on parlera aussi d'Épopée, le roman de Marie Connet qui sera avec nous. Elle évoquera son rapport à cette littérature d'espions. Mais tout de suite sur France Culture, on retrouve les lectures de poésie de Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Didudli, dididudli. Ridicule hurliberli qui dilue ton petit lu dans le jus des turlipinis, lubrique mieux tes lubies. Cette semaine, nous volons d'aile en aile, sans oublier celle des gerfaux, toute la volière poétique introduite par le Zosio, les Zosio de Jacques Demar, ou par quelques-uns de ses proches, de ses potes poètes, ceux de la revue TXT avec ce numéro Le Retour, où nous trouvons par exemple Charles Penquin. La poésie, c'est le retour à l'état sauvage de sa propre personne. Que veut le vent? Que veut ce que je veux? Je veux du vent, je veux que cueille, que je me veuille, je suis du vent qui cueille, qui veut du vent, qui est en vie dedans. Que veut le vent? Que veut ce que je veux du vent, je veux que cueille, que je me veuille, je suis du vent, qui fait cueillir, que ça me cueille, ça veuille, qu'on y veuille quoi, qui fait de moi du vent, qui vient, vent, cueille, en moi, qui va du vent, qui y revient, qui veut que je me vienne, que vienne en vent, et soit cueilli de lui, qui veut que je lui vienne, quelle est la vue que je me vois, et vienne, et veut ma vie, qui veut cueillir du vent. À quoi l'alouette Lulu répond, tu t'inutile dubitatif, l'orbite bride qui libellule quand l'adulé ondule du culte dont tinabule les tubes du lit aux plumes abruties. Valérie Rousseau, elle, dans Sens averse, donne une autre idée, se voit autrement dans l'oiseau. J'aime aller dans la rue avec en tête un chant, chant de petit oiseau qui possède en son cœur minuscule, un très gros nuage lourd, un énorme nuage comme un hippopotame tellement gonflé de l'eau des fleuves dont il est le cheval impensable, le cheval impossible dans une tête de fauvette, dans une tête de linotte ou de bergeronnette, aimant son ciel plein de moutons, écoute s'il pleut, écoute et goûte ma chanson, la chanson sortie de ma caboche qui grelotte en forme de souvenir, en forme de poire, poire de ma soif d'aller sous les nues par les rues, quand la vie minuscule semble vivable encore. Bon, ben on peut dire que ça chante. C'est tout ce qu'on peut dire à propos de Valérie Rousseau. Vraiment, ça chante. Dominique Kellen, lui, dans Aver, voit l'oiseau d'une autre façon. Tel qui vole un oiseau va voler avec cet oiseau un plus opulent objet duquel le pesant d'or ira dans ta poche. Le défendras-tu bec et ongles? Vole-t-il ça en plus et de quel haut fait autre que ça a-t-on à l'exonérer? Un ensemble qui se vide n'a eu que des fantômes d'idées qui, comme ici, ne sont pas émises, ni ne le seront émises. On ne verra d'ici aucune idée. Tu n'as que des os, c'est vide, des os ensemble ou un corps. L'œuf ne fait que tomber de haut, et s'il va plus qu'il ne vole, pend sur le bec. Sur le bec, le bec. Oui, dans le bec, pesant, étant un objet, il suffit d'un, ça va bien avec un seul oiseau. Un, tel ou tel. Jacques Bonafé à l'écoute de la poésie qui chante.